J'ai reposé un gros son sans penser aux gros sous. T'as vu le flow, nous bossons. Du niveau, y'en a beaucoup. Ouvre les yeux comme Bobby Cruz. Déclic, c'est le nom, mon coup. Le rap, j'en fais mon épouse. Tu sens le son même dans mon pouls. J'coupe façon incendiaire, dédicace sa finesse, griffon. Ce qui fait que sur une instru inflammable, quand j'pose, tu ressens des frissons. J'marquerai mon pouls sans l'aide de personne, ouais, sans piston. Mec, ton, j'baisserai jamais mon fut pour des boutons. Quand j'partirai, j'espère être regretté comme Tupac. À travers tes enceintes, mon flow te met des coups de patte. Cours pas, gros, c'est animal souilleur au micro. Antiseptique au micro, j'viens chasser tous les microbes. Je sais que d'être pro, c'est dur, alors mate mon procédé. Écoute mon son gros, c'est pur, il vient même vous posséder. J'viens bosser des sons, tout craché au mic, tout explosé. Osez poser, m'exposer, vous la mettre comme Kaiser Sosé. Prendre comment rapper, j'viens bien saper. Pour te taper, te frapper, ton rap se fera zapper. Elle nous te laisse, c'est impossible à attraper. Strapper votre bouche, y'a trop de merde qui s'échappe. J'vous de boîte, mais rien vous doit, j'exploite les MC. Et je fais sauter les watts. Une grosse latte qui m'a remate, j'éclate ce morceau ainsi que toutes vos chattes. Et à chaque mesure, putain mec, que j'attaque, je braque ces batrangs, moi comment ils traquent. Une grosse claque, du beau snack. Ah, tu sens cette haine qui vient tout droit de l'estomac. Je vous fuck, personne me dira comment poser. Je compose mes textes devant le mic, je vais exploser. T'as causé, t'as osé l'ouvrir, je vais t'arroser. Mon flow de malade, personne pourra le sous-doser. Mec, arrête de kekra, notre rap va te croquer. On débarque, t'en fais pas. Là, le 8, 9, t'essaies de suivre le flow, mais te mets des points de côté. Alors au mic, fais place. Au 8, 9, et ouais, 100. Si vous êtes rageux, les mecs, allez vous cacher. Ici, les MC sont en masse. C'est le 8, 9, si dans notre dos tu craches, alors on viendra clasher. T'inquiète, on a la classe. Au 8, ne me manque pas de respect, reprends ta respi. Bois une despé, apparemment tu manques d'inspi. T'as vu ton aspect, un sac de rateur aspi. T'as l'air mal, prends un cachet de rinaspi. Aspire mon phrasé, mon blasé. Baille sa grogne comme un gros blaster embourbé coincé. Mauvais quart d'heure, j'suis dans le rétroviseur. Point rouge sur le front et dans mon viseur. Teaser, briseur de parcours, ça forge. J'suis le billet qui se faufile entre toi et ton soutien-gorge. J'suis la main du criminel prêt à t'étouffer la gorge. Mon gland dans ta bouche comme Ben Laden derrière bouche. Ton flow intéresse personne, alors bouge. C'est plus des bananes, tu prends, c'est des couches. Ton flow intéresse personne, alors bouge. C'est plus des bananes, tu prends, c'est des couches. Plus besoin de te présenter, le rap du Sénonais. Casque t'as retenu dans ta tête, bah c'est non. Appelle-moi le franc-tireur, rappeur artilleur. Bagarreur, freestyler, le gros maraveur. Je casse les corps vocales des amateurs. Je fais flipper les challengers. Toujours en pole position sur la grille de départ. La réussite, on la doit à personne, c'est juste qu'on a part. Notre ascension a été aussi vite que le guépard. Loin d'être avare, j'ai gardé la tête sur le cou. Le navire est fragile et Darien il peut les coups. Ici si tu pars trop, je te jure il pleut des coups. C'est pas des menaces, juste une mise en garde. Le concerné se reconnaîtra, attends que je te plie en quatre. Je rappe pour ma famille, mes amis des environs. Tous les expatriés de Paname, de Bordeaux et de Dijon. Tous ceux qui me font mal aux abdos quand ils disjonctent. Les poteaux qui raquettent au poker tous les pigeons. Mec arrête de kekra, notre rap va te croquer. On débarque, t'en fais pas. Là, le 8. T'essaies de suivre le flow, mais te mets des points de côté. Alors au mic, fais place. Au 8, 9, et ouais, 100. Si vous êtes rageux, les mecs, allez vous cacher. Ici, les MC sont en masse. C'est le 8, 9, si dans notre dos tu craches, alors on viendra clasher. T'inquiète, on a la classe. Au 8, 9, 100. C'est Darzo MIC, je frappe fort. Descends des vissés, 8, 9, 100. En mode guerre, bon sang. Tu veux un peu de monsieur, t'inquiète, c'est bien vissé, monsieur. On peut faire affaire, y'a pas de galère. Envoie les pieds, évite d'en parler au commissaire. Sinon, je te ferai la misère. Non, y'aura pas de mystère. Trop de mecs, la pète, casquette, basket, disque. Sont les parrains du pora, là que leur flow est pourri. En mode flow dynamique, je suis venu dynamiter le terrain. Vous êtes des mines, c'est rien, qu'il faut pas aider plus rien. J'ai rien à perdre, alors je mise tout. La vie, c'est la merde, je fume disque, car mon avenir est flou. D'ici au tout parc, cousin, c'est le même combat. On se bat pour essayer de voir autre chose que ce qu'on voit. On n'oublie pas qu'on viendra toujours où on vit, d'où on vient. C'est pas le paradis, mais c'est mieux que rien. Bitch, la miaque, j'ai venu tout niquer, dire que pour avancer, certains baissent leur froc. Ici, c'est Nyoma. Pour le tsar qui baisse le proc, j'ai la PAC. Mes frères levés tous en cœur, vos majeurs et vos clocks. Flotte criminel, déjà t'en ressens l'impact. Mais force est de constater que mon univers t'englobe. Y'a trop de putes ici, trop traite sur le parvis. Poteau surtout, n'hésite pas à m'arrêter si c'est glauque. Tu fais ta frappe, chrono. Mon son te met des tartes, des parcs. À l'improvis, c'est une boucherie, un vrai désastre. J'suis de but monstrueux, passage est tout troué. Donc c'est normal que mon chemin part en vrille. C'est lyrics coup de violente comme une intervention du raid. J'ai nous écrate, les ficros, donc pour nous c'est dédicacé à tous les frères qui sont dans la mer. Car ici c'est la haine, là j'ai rien à gagner, rien à perdre. Mec arrête de kekra, notre rap va te croquer. On débarque, t'en fais pas. Là le 8, 9,